consulter la programmation des spectacles à venir sur levaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditrices et auditeurs. Ce soir, en ouverture, on a un extrait d'un nouvel album d'une formation norvégienne qu'on apprécie, Marc et moi. C'est 35 Tapes. Le groupe doit lancer son troisième album studio en octobre prochain. Et il aura pour titre Fabric of Time. Les deux premiers albums du groupe sont parus respectivement en 2019. On parle de Lost and Found et Home est paru en 2021. Et par la suite, Marc, on demeure en Norvège. Oui, avec une nouvelle formation qui a pour nom Avkrvst. Et ça s'écrit A-V-K-R-V-S-T, tout en majuscule. C'est leur premier album qui a pour titre The Approbation, qui est sorti au mois de juin. C'est un rock metal symphonique moderne avec des touches des années 70 comme l'utilisation du Hammond B3 par moment. Alors on aura pour vous ce soir la pièce Anodyne et ce sera suivi de la formation Monkey Diet de l'Italie, tirée de leur nouvel album Ant Death Spiral, qui est leur second, paru au mois de mars cette année. On aura la pièce titre, mais pour débuter, comme vous le disait Michel, la nouveauté de la formation 35 Tapes. On a long crusade,

Friends only call this a Thank you. CKRL 89.1, 50 ans de radio communautaire. Le Centre Monseigneur Marcoux fête son 60e anniversaire. Le samedi 16 septembre de 10h à 15h sur le terrain de soccer du Parc Bardi. Venez participer à la fête des moissons. Des animations adaptées à tous les âges. Un casse-croûte et un gâteau d'anniversaire sera distribué gratuitement pour souligner les 60 ans du Centre. Pour tous les détails, visitez la page Facebook de l'événement. Une invitation du Centre Monseigneur Marcoux et de montlimoilou.com, partenaire médiatique. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. CKRL 89.1, 50 ans de radiophonie. De retour à Terra Incognita. Dans le prochain bloc musical, on aura l'excellente formation italienne Ingranaggi della Valle. C'est tiré de leur premier album, In Hoc Signo, paru en 2013. C'est vraiment un excellent disque. On aura la pièce La Celio di Antiochia. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une autre excellente formation américaine qu'on aime beaucoup. Oui, on aura Discipline, un groupe originaire de Détroit. Et ce sera un extrait du quatrième album du groupe paru en 2011 qui a pour titre To Shatter All Accord. Et on aura la pièce When She Dreams in Color. Eyes close, silver screen, listening to the whispering a name, breath steals. Only ghosts of her, only ghosts of her. Yeah. Thank you. dai suoi voti alla causa europea. Invece per Dio i turchi facciamo trabattere il ponte di ferro che tenga su Antiochia. Signore, brama di dominio, i principi demoni tra le lance del costato, innocenti musulmani, in auxilio, Cristo abbiamo rinnegato. Coup d'œil dans le rétroviseur pour conclure l'émission ce soir. On y va avec un album de The Watch, Vacuum, et un album, autant le dire, qui a fait la joie de plusieurs émissions au début de Terra Incognita, un album qu'on a fait jouer abondamment parce que Marc et moi, on était vraiment accros à l'époque, Vacuum, et on va voir la pièce Shiny Bald Heads. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.